se tire dessus juste pour une parole déplacée. À l'heure où je parle la BSD, elle fait que passer et repasser. Voir mes frérots au tapis, je préfère les voir tous enclassés. Je compte même plus le nombre de tours pétés que j'ai fait dans la cité. Non, on croise pas les touristes chez nous, y'a rien à visiter. Y'a plus de poteaux que des putes, aujourd'hui je me fais à l'idée. Regarde même les aveugles, c'est par des chiens qui sont guidés. Y'a un an de ça, j'étais en tôle, y'a beaucoup de gens qui m'évitaient. Aujourd'hui c'est les mêmes têtes et dans leur fête veulent m'inviter. Je reste à la tête, c'est dans la caisse, j'écris ma vie la vérité. 69 rue des martyrs, on soit en bas chez l'araignée. Aujourd'hui c'est un autre jour, mais je me lève toujours du pied gauche. Millionnaire, mais sur YouTube, la mise j'ai well ou dans les poches. Tu t'es trompé sur mon compte, t'as cru que j'étais la bonne pioche. Tu veux mon cœur et un cadenas, vas-y ramène le pied. Je vais pas de temps à autre, mais c'est jamais pour longtemps. Non, c'est pas ma faute, pas ma faute. Toi tu trahis et tu te plains, non t'es jamais contente. Va la faire à d'autres. Je mets pas de temps à autre, mais c'est jamais pour longtemps. Non c'est pas ma faute, pas ma faute. Toi tu trahis et tu te plains, non t'es jamais contente. Va la faire à d'autres. À la base on était cool, puis nos cerveaux disjonctés. C'est banal et même tes gros sur eux tu peux plus compter. Jusqu'hier on se partageait tout, jamais on s'affrontait. Aujourd'hui c'est même en boîte, c'est la rire, cherche à se monter. Qui font ça jamais, tout le monde sait que ceux-là ils sont tout haïen. C'est des traîtres et ils sont faibles, moi je le vois dans le haïnin. Ça s'en bat les couilles de tout, 2019 y'a plus de peine. Aujourd'hui toi tu fais quoi si t'entends que ta petite sœur elle pine. Aujourd'hui toi tu fais quoi si tu vois que ta maman déprime. Moi je t'avoue quand elle va mal c'est mon cœur qui devient cible. Criblé de balles à l'intérieur, y'a pas le sourire par la suite. Fatigué, y'a le boulot, les courses, elle a pas le temps pour la suite. Moi j'avance, toi tu me critiques, les rats, vous êtes des fous. Moi tu te montrais plus à part l'ible, voir toucher le fond. Moi je persistais dans le rap, je suis pas venu pour les sous. Toi tu pensais dans la caisse, c'est pire que le roi des cons. Moi j'avance, toi tu me critiques, les rats, vous êtes des fous. Moi tu te montrais plus à part l'ible, voir toucher le fond. Moi je persistais dans le rap, je suis pas venu pour les sous. Toi tu pensais dans la caisse, c'est pire que le roi des cons. Je mets pas de temps à autre, mais c'est jamais pour longtemps. Non, c'est pas ma faute, pas ma faute. Toi tu trahis et tu te plains, non t'es jamais contente. Va la faire à d'autres. Je mets pas de temps à autre, mais c'est jamais pour longtemps. Non c'est pas ma faute. Toi tu trahis et tu te plains, non t'es jamais contente. Va la faire à d'autres. Toi tu trahis et tu te plains, non t'es jamais contente. Non t'es jamais contente. Mais pas de temps à autre. Mais c'est jamais pour longtemps.